jamais pour te plaire. Motema, moli mo pena nzoto na ngai, mobi mana ngai no so ya we, na pesi kana yo. Mon cœur et mon âme, ô Éternel.